M'appelle Solo, un rime ce putain de place dans ton crâne, frérot. Marche solo, strike tes prods, il paraît que j'ai craqué les gros, là c'est trop. Ça m'arrangerait tant de prier vite, mais t'es ma sale, tes corps, l'espoir se fait rare comme un cendrier vide. Dois faire du bif, la fiche, je vais t'aimer. Je dois tourner la page vite, mais quand ça va pas, je tease. Laisse faire le vice, me dise mes démons, je démonte la prod, autant que mes neurones, quand j'abuse trop de la pédale. Lâche pas la corde, monte encore, car c'est toujours plus beau à l'étage. Quand c'est là, je passe à table, la réussite, je me la capare. Je crache à la face de ces chiens de la casse qui me traitaient d'un grappard. Peur de finir la corde, au pied, t'inquiète pas, on vient voir opérage. Mais tout le monde d'accord, comme les paquets de clopes à 5 balles. La tease et la drogue me bouffe, ça me rend parano d'être un star. J'vis la nuit, j'dors le jour normal, que ma daronne pète un car. Je me sens bête, j'abuse quand je fais de la thé le soir. J'aimerais tant la rendre fière et ne plus jamais la décevoir. À force de tourner en rond, j'finirai par me lasser. J'fonce dans le mur à fond, sentiment cadenassé. Vas-y, laisse-moi, j'suis le seul à faire ma route droite d'arcée. Promis, j'défoncerai les barrières si je ne trouve pas d'accès. À force de tourner en rond, j'finirai par me lasser. J'fonce dans le mur à fond, sentiment cadenassé. Vas-y, laisse-moi, j'suis le seul à faire ma route droite d'arcée. Promis, j'défoncerai les barrières si je ne trouve pas d'accès. Tu pensais m'enterrer si tôt, mais bon, il paraît que c'est le projet gros. J'ai comme une envie de grailler tout le gâteau, t'es mal écroché. Okay. Ça me fait décrocher, draper des gros textes râler. J'veux les tasser les gros chèques, mais pas c'est des gros tests. Jamais, jeune et ambitieux. J'vais remplir ma mission cette année, mais ce monde est vicieux. Sans qu'il va me laisser la vision, c'est cramé. Jamais de piston, laisse-nous passer devant qu'on pique tout. J'veux pas croquer dans le bifton, moi j'veux nager seul comme Picsou. Brasser des ronds, ça rase. Avoue, t'aimerais qu'on se nage à. Si t'oses pas te lancer gros, laisse-moi passer les ronds, j'arrache. Ça dégrade sale, ça vide des sacs remplis de turpin. Le jour, c'est vol à l'étalage. La nuit, c'est graffiti sur train, il se passe du sale en scred. Ce gosse qui rêve demain, ce que je demandera. Mon père qui soit dans le verre. Des tox qui crèvent, je règne dans l'avant-bras, ça n'avance pas. Je laisse le malin cracher son venin. Perso, je cala pas son avis. Je suis le seul à tracer mon chemin. À force de tourner en rond, je finirai par me lasser. J'fonce dans le mur à fond, sentiment cadenassé. Vas-y, laisse-moi, je suis le seul à faire ma route droite d'arcée. Promis, je défoncerai les barrières si je ne trouve pas d'accès. À force de tourner en rond, je finirai par me lasser. J'fonce dans le mur à fond, sentiment cadenassé. Vas-y, laisse-moi, je suis le seul à faire ma route droite d'arcée. Promis, je défoncerai les barrières si je ne trouve pas d'accès. Avancer mais je suis qu'un pied d'une étance. Je fonce dans le mur à fond, sentiment cadenassé. Ce monde débarque, je serai comme mon le mal. Promis, je défoncerai les barrières si je ne trouve pas d'accès. La colère c'est raisin, c'est l'heure de la récolte. Je fonce dans le mur à fond, sentiment cadenassé. Pris dans la spirale, on rêve quand le brin se passe. Promis, je défoncerai les barrières si je ne trouve pas d'accès.